laisser faire, tu m'as pas gardé. C'est pas parce qu'on m'a mis des fers que je vais changer. Oh, et si tu veux tenter ta chance, alors entre dans la danse. Hey, j'en ai peur le dos, j'ai vraiment la rage, t'as vraiment le temps fait pas, ce n'est qu'en jeu, et à ce jeu-là.